Vous écoutez La Croche-Oreille. C'est un voyage initiatique, un pèlerinage à la recherche des artistes qui appartiennent à ce que l'on nomme notre famille de pensée. C'est un hommage livré en vélo. Le premier voyage s'est déroulé en 2015, parcourant 2400 km à travers la France, la Suisse et l'Italie. Nous avons rencontré quatre artistes de cette famille, Michel Blasi et Roman Signer, plasticien, Alessandro Barrico, écrivain, et Ettore Scola, réalisateur. Ce deuxième voyage est une traversée de la Belgique, la France et l'Angleterre pour rencontrer Eugène Savitskaya, écrivain, Jérôme Bell, chorégraphe, et Jérémy Deller, plasticien. Alors, salut tout le monde, bienvenue à La Croche-Oreille, une émission d'expérimentation sonore, de musique inclassable et parfois à la croisée d'expériences radiophoniques. C'est donc dans cette veine que je vous propose ce soir une rencontre avec les artistes Géraldine Py et Roberto Verde, qui ont complété il y a quelques mois maintenant le deuxième volet d'un projet à plusieurs fenêtres, un projet nommé Une famille de pensée, dont je vous proposais le jet initial en 2019, ce jet qui était intitulé à l'époque « Les mains vides ». Ce projet de famille de pensée repose en fait sur une idée toute simple. À défaut de réunir autour d'une même table des artistes et des écrivains qui les ont inspirés sur le plan artistique, Géraldine et Roberto vont à leur rencontre à vélo, et c'est ce qui est extraordinaire dans le projet. Ils font ça à vélo afin d'en faire une œuvre sonore et radiophonique, un travail d'expérimentation sur le terrain qui combine le récit de rencontres fortuites, des mélodies animalières, des extraits de films, des entretiens, et tout ça pas toujours comme on l'avait prévu ou anticipé. Ils ont donc repris la route en 2020, cette fois en direction de la France, de la Belgique et de l'Angleterre, pour y rencontrer l'écrivain Eugène Savitskaya, le chorégraphe-danseur Jérôme Bell et le plasticien Jérémy Dell. Or, le sort fera en sorte d'immobiliser Géraldine Py chez elle, tout juste avant le départ, à se rétablir d'une mauvaise chute, la jambe brisée, faisant de cette deuxième aventure une expérience toute singulière qui en façonnera le ton, le contenu, l'horizon autour de leur correspondance à distance qui va prendre forme suite à cet événement. Je vous propose donc ce soir l'écoute de larges extraits de ce volet 2, une expérience, c'est le titre, une écoute assortie des réflexions que m'ont confiées Géraldine Py et Roberto Verde dans le contexte d'une conversation en téléprésence. Mais d'abord, entrons immédiatement dans ce projet intitulé « Une expérience ». Le départ est prévu pour septembre, mais comme un bâton qui se coince dans une roue, le 13 août, je tombe dans une fosse et en ressors avec une double fracture du pied. Nous décidons de maintenir le départ. Je reste à Bruxelles pour me soigner. Et on se rejoindra pour les rencontres fixées avec les artistes. Une correspondance s'installe avec d'une part les récits d'un voyage en vélo et d'autre part les récits d'un voyage imaginaire. C'est votre os ici qui est passé, ok. Et peut-être que ici il y a déjà un début, et ici aussi. Mais vous n'avez pas encore bouché tout le trou. Mais il y a déjà des ponts. Et une fois qu'il y a les ponts, en général, on commence à enlever le plâtre parce qu'on s'est rendu compte que avec l'appui, ça aidait à produire de l'os. Je ne sais pas ce que ça donne avec les vents, mais c'était pour te donner un petit update. Et je suis en route pour Namur. Ce matin, ça caillait comme pas possible. Heureusement, j'ai encore un peu de braise dans le feu. Du coup, j'ai pu sécher mes chaussettes mouillées, me réchauffer un chouïa et me mettre en route pas trop tard. Je vais partir à 11h. Et je viens de croiser un cycliste qui ne peut pas saluer. Et je pense que c'est parce que je ressemble plus à un VTTiste qu'un cycliste sur route. Et à mon avis, entre les deux, ça ne se salue pas, quoi. Il y a ce petit texte de Savitskaya qui s'appelle Exquise Louise, dans lequel il évoque non pas les saluts entre cyclistes, mais les saluts entre les souris. Je commence la lecture. Une souris pressée trottinait à travers un monde de galeries et d'encoignures poussiéreuses. Elle était d'une propreté irréprochable et d'une obstination à toute épreuve. Elle croisait ses congénères sans leur adresser le moindre salut. Il était impossible, malgré son air têtu et la difformité de son épaule droite ceinte d'un drap violet, de la croire malade ou folle, tant était sûr son pas, aiguë sa vue, vigilante ses oreilles et clairvoyant son museau. C'était une souris dans la force de l'âge, gracile, gracieuse, ayant déjà eu 7 portées de 7 sourisseaux et sourisettes. 1, 2, 3, 4, c'est parce que c'est raide ça, 5, hein. Allez, prenez de la vie, 6, 7, voilà, 8, 9 et 10, et on relâche bien, magnifique. Allez, comme ça, encore, voilà, et puis relevez. Et puis plier. Et relever. Et plier. Relever. Et plier. Relever. Et plier. Relever. Et plier. Très bien. Et plier. Hop. Et plier. Allez. Hop. Et plier. Hop. Et plier. Cette nuit, je me suis fait aboyer par une biche. J'étais dans les macs et chaque feuille faisait du bruit. À un moment donné, je crois que j'ai une souris qui essaye de grimper ou chercherait de la nourriture. Et en fait, c'est juste un scarabée. Et un peu plus tard, toujours pas endormi, j'entends encore un nouveau bruit. Cette fois, il est plus fort et je suis persuadé que c'est un renard ou un lapin, et en fait c'était juste une souris de champ qui courait assez vite pour pas se faire repérer. Et j'ai réussi enfin à m'endormir, mais je me fais réveiller par le bruit des sabots qui courent en ma direction. Du coup, j'ose pas sortir en pensant que c'était un sanglier qu'il allait me charger, et du coup je sors la lampe frontale dans la direction du son, et là j'entends baou baou. On m'avait dit que les biches, elles aboyaient, mais jamais j'aurais pu imaginer que ça ressemble autant à un chien. Et puis la biche, elle s'éloigne, et je prie pour que les cerfs, ils ne viennent pas à sa rescousse. Je me voyais très mal lui expliquer la nature de ce malentendu. C'est justement la saison du brame du cerf, et du coup cette nuit j'ai rêvé que j'allais dans les bois, dans les Ardennes, et que j'allais l'écouter. Alors, la carte de 64 gigas, on va la mettre ici. Et on va repartir en direction des serres, qui ont l'air d'être un peu plus par là-bas. Ils sont très sensibles au bruit et puis à l'odeur. Ils ont par contre vraisemblablement un sens de la vue très très peu développé. Donc là, on peut observer, il y a tout un troupeau. Mais alors, je ne sais pas s'il y a plusieurs mâles. S'il est tout seul, j'en vois un. Et une multitude de femelles. Eugène Savitskaya, j'hésite à le rencontrer, dans le monde réel, je veux dire. Car le rencontrer à travers ses romans et poésies, c'est chose faite. J'ai passé ces 3 dernières semaines en sa compagnie. Je ne suis pas certaine de vouloir y mettre un visage, comme on dit. Ce visage risquerait de devenir le visage matriciel de tous ces personnages, et même sa voix risquerait de devenir la voix matricielle de ces personnages. Au mieux, à force de lire des histoires couvertes de végétal, des récits qu'on va chercher dans la terre avec ses doigts et qui rendent les museaux humides, j'ai fini par poser un visage qui pourrait être un genre de portrait d'Archimboldo, qui se transformerait comme si les livres étaient des saisons. En fonction du texte, ce serait l'hiver quand il est gris, minéral, quand il gratte la gorge comme le nom des villes dans les Ardennes, ou ça pourrait être le printemps quand il est vif, net, délicat, comme les tendres pousses des fougères. La pluie s'aggrave. Naturellement, on avance au rendez-vous. Je me préfigure la conversation en regardant au loin. La porte s'ouvre. Le contre-jour cache le visage d'Eugène. Cette lumière parfaite résout alors mon dilemme, le rencontrer mais sans y mettre un visage. Sur le seuil de la porte, Eugène se tient en équilibre entre le personnage et l'écrivain. Dites-moi, Roberto Géraldine, dans ce projet que vous menez, il y a le voyage réel que tu réalises, toi, Roberto, sur le territoire, et le voyage imaginaire de Géraldine, clouée au sol par cette blessure à la jambe. Pourtant, à l'écoute du récit, je pense entre autres à cette histoire de scarabée que tu racontes, Roberto. Ben, il me semble que c'est Géraldine qui est complètement plongée dans le réel, alors que toi, Roberto, tu te retrouves dans la fiction. C'est plutôt inattendu, non? Vous trouvez pas? C'est très, très beau, c'est très juste ce que tu dis. Mais c'est vrai qu'on n'avait pas forcément réfléchi. Il y a beaucoup de choses de toute façon inattendues qui se sont effectivement produites durant le voyage ou ensuite dans le, on va dire, dans le voyage du montage, qui est aussi comment est-ce que on va décider de raconter tout ça et quel est-ce qu'on décide d'être dans le réel, dans l'imaginaire, est-ce qu'on décide de comment on décide de voilà de raconter tout ça et quelle voix on prête à ça, c'est-à-dire est-ce que finalement telle chose a réellement été vécue par l'un ou par l'autre et comment est-ce que on communique entre nous aussi. Ça a été ce projet pour nous a été enrichi par rapport au précédent dans la mesure où à cause de cet accident, de ce bouleversement, de ce cette surprise là finalement, cet imprévu, grosso modo ce qu'on entend là dans le projet radio correspond à la manière dont on a communiqué, à savoir espèce de ping-pong comme ça, de carte postale sonore. Donc avec Roberto qui était en mouvement et qui m'envoyait de ses nouvelles depuis la route chaque soir, un point géographique différent, et puis moi toujours le même point géographique, mais par contre une multitude de rêves et de références que j'accumulais comme ça. On s'est trouvé à communiquer l'un l'autre dans une forme qu'on n'avait pas encore trop travaillée, qui est celle de finalement ne pas être au même endroit et devoir correspondre. Ce simple principe de la correspondance, finalement, là, on l'a réellement éprouvé et c'est magnifique, parce que c'était en différé aussi, c'est-à-dire que j'entendais un message. J'entendais ce message-là alors que peut-être Roberto me l'avait envoyé 3 heures auparavant. Donc j'arrivais à je me figurais des choses. Ensuite, moi, tout ce que je pouvais lire ou voir, en fait, j'y trouvais des réponses qui se nichaient dans les pages d'un livre ou autre, et que donc je lui renvoyais. Et ces pages de ce livre-là, lui, alimentaient son voyage, etc., etc. Donc en fait, ça devenait une espèce de machine très organique finalement, qui rend compte aussi beaucoup de la collaboration. Et c'est ça qui était pour nous, pour revenir en disant que c'était enrichi, c'est dans la mesure aussi où parallèlement au voyage et à la rencontre d'autres artistes et comment on évolue dans un imaginaire artistique, c'est aussi vraiment comment est-ce que les idées se font et comment on est stimulé par J'arrive en village et un bretondeuse m'attire vers une jolie maison avec un grand jardin. Je fais signe au jardinier qui éteint la machine et me rejoint dans la rue par un petit portail en bois. Je lui demande s'il était possible de dormir dans son jardin. Il dit que c'était le jardin de son voisin et qu'on ne pouvait pas marcher sur la pelouse, mais qu'il connaissait un bois près du cimetière militaire. Et il me dessine un plan et remplit mes gourdes. Arrivé au bois, je suis ses indications qui m'amènent directement à une cabane des chasseurs avec vue sur champ de betteraves au coucher de soleil. Visible depuis le chemin, j'espérais juste que personne ne vienne réclamer son territoire. À peine installé, j'entends des pneus rouler dans les graviers. C'était les jardiniers, avec un carton dans les mains. Je t'ai ramené de la bière et une boîte de rations de l'époque où j'étais à l'armée. Il décapsule les deux bières et continue. Je dois pas tarder à rentrer pour dîner avec ma femme, mais je sais ce que ça veut dire dormir dehors en pleine nature. Quand on était à l'armée des terres, on faisait de ces longues marches, puis je suis devenu chauffeur de fourgons blindés. J'ai perdu un collègue. Il s'est fait tirer dessus. J'étais mis aussi un réchaud à combustible solide et un briquet. J'ai rajouté du café soluble dans la boîte pour demain matin. Il récupère les bouteilles de bière vides et me souhaite bonne route. Je lui ai pas dit que j'étais végétarien et j'ai bien évidemment tout mangé en 2 jours. Tartiflettes, salade italienne, rillettes traditionnelles, potage, dessert, biscuits de campagne, salé et sucré, salade de thon, ravioli, nougat, pâte de fruits, barrette énergétique, barrette au muesli, boisson isotonique, chocolat à croquer, confiture. Toujours exquise Louise de Savitskaya. Aujourd'hui, la forêt a rencontré Louise, au détour d'un chemin brusquement plus frais et odorant. Ça sent la mousse et le cresson. Et là, où résonne la forge du pic, elle marche sur la piste d'un trésor. Que le chemin est long qui y mène. À droite, elle voit l'or, à gauche, l'eau. En haut, le ciel à travers l'enchevêtrement des branches. Plus loin, un arbre couché. Au bout d'un sentier, elle trouve la pyrite et l'emporte. Ensuite, elle a rencontre avec Savitskaya. Donc tout est en désordre, évidemment. Elle nous a parlé d'un livre qui s'appelle « La pêche aux requins du Groenland ». Il a oublié le nom de l'auteur et le journal du voleur. Ensuite, on a parlé de Dada et les chemins de glace de Herzog. Il est issu d'une fratrie, donc ils étaient quatre. Son père était polonais, donc venu travailler dans les mines, hein, travailler au fond, comme il dit. Voilà, il en est tombé malade. Et puis sa mère était ukrainienne. Puis on leur disait une tonne de charbon par ouvrier italien. C'est-à-dire qu'en fait, une tonne de charbon était envoyée en Italie par les Belges quand un Italien envoyait un ouvrier, en fait. Hein. Puis ses camarades disaient donc à son père, mange des tartines et ça passera mieux avec quelques quartiers d'orange. Voilà. Aujourd'hui, Savitskaya, il vit en Italie. Il dit, je suis jardinier, bûcheron, cultivateur. Enfin, il travaille de ses mains. Il dit que ça pousse bien en Italie, qu'il y a des pommes de terre, tout ça. À un moment donné, Roberto lui lit un passage de Les morts sentent bon. Et puis je regarde Eugène qui semble redécouvrir son texte. Il dit, est-ce que tu oublies ce que tu écris ? Il a rigolé. Et puis après, il a dit, oui, il faut oublier. Il faut oublier, c'est nécessaire. Et puis on a parlé d'inspiration, l'enfance comme ça est effectivement une sorte de filon, comme il l'appelle, quasiment inépuisable en fait, quelque chose qui l'a gardé frais, comme il dit. Il dit qu'il travaillait dans l'urgence, il écrivait parfois des textes la veille de les lire, donc ça c'était dans les années 70, 70, il y avait beaucoup d'occasions de lire la poésie. Et puis qu'il y a eu moins de succès, c'était des vagues comme ça. Et que maintenant il y a un retour à ça, à la poésie et puis à la performance, à la poésie performée, à la poésie lue. Donc on s'est mis à parler d'art visuel, enfin d'art en règle générale, des inspirations, des ponts qu'on pouvait faire d'une pratique à une autre. Et plutôt que de stimulation, il a employé le terme de réaction. Il parle comme un végétal, comme un animal, et pour moi ça a été très beau parce que c'est le moment où j'ai eu en face de moi l'espèce de démonstration de la critique de l'anthropocentrisme en fait, mais d'une manière presque involontaire, sans militer. À un moment donné, il a eu un lapsus, on parlait des loups, je crois que c'est suite à la discussion sur les cerfs, on parlait des loups, et puis il a dit les gens, et puis il s'est repris, il a dit les êtres. Comment ça s'organisait, votre communication entre vous? C'était par le téléphone, par Internet? Comment vous avez... quelle sorte de correspondance vous avez tenue durant cette période-là? Grosso modo, ce qu'on entend là dans le projet radio correspond à la manière dont on a communiqué, à savoir espèce de ping-pong comme ça, de carte postale sonore. Donc avec Roberto qui était en mouvement et qui m'envoyait de ses nouvelles depuis la route chaque soir un point géographique différent, et puis moi toujours le même point géographique, mais par contre une multitude de rêves et de références que j'accumulais comme ça. Ouais, en fait, on s'est pas téléphoné, vraiment pas. On a gardé cet exercice de l'enregistrement face au téléphone, oui, c'est ça. Se dire tiens, qu'est-ce que, ouais, l'exercice de raconter à l'autre finalement sa journée. Ouais. Tu vois, c'est à la fois très simple et très difficile. Parce que c'est pas, on en a parlé avec Gilles Mardi-Rossian, avec laquelle on a fait le projet. Et il disait à Gilles que c'est très difficile de parler à soi-même. Et effectivement, je me retrouvais en vélo à avoir envie de faire un mini-reportage pour donner à Géraldine un peu la sensation de là où je suis, à tel moment, mes sentiments et tout. Et d'un, je devais lutter constamment avec le vent, qui était omniprésent. Et deux aussi, c'est pas non plus comme si je l'avais, elle, en direct. Et donc, comment lui raconter, c'était quelque chose de nouveau. Là, t'as combien de grammes? 90. Ah, parfait. Avec ça? Je crois que ça ira. J'avais 5 déjà. Merci. Merci. Merci à vous. Voilà, tu vois ton truc, t'es déjà à 60, là, fais attention. Essaye, voilà. La rouge qui est là, c'est un peu moins de ce côté. Ça, c'était bien, essaye de ne pas dépasser, voilà. Et de te dire, peut-être lâche un peu, voilà. Ok? Mais toi, tu fais un peu, voilà. Ça, c'est ton max, hein. Ça va? Bon, si de temps en temps, tu fais une 1,60, mais ne t'agisse pas de faire des 100, machin. Tu vois, essaye de rester 40-50. Oui, je fais une petite mise à jour. J'étais hyper enthousiaste. Il me reste encore 110 bornes. C'est ça la déception. Je croyais que j'avais vachement plus avancé que ça. J'étais lancé. C'est quand même long de faire 150 km en une fois. Et puis je me suis planté à un moment donné, je voulais suivre un petit chemin pour couper une colline. Du coup je me suis retrouvé dans un truc à marcher dans les ronces. Et puis en fait il y avait le fossé, je ne pouvais pas traverser. Mais j'ai vu une biche qui s'échappait d'un chasseur sur la crête de la colline, qui se découpait comme une silhouette dans le soleil. Et elle faisait des gros bonds. C'est... K R L 89 1. Vous écoutez La Croche-Oreille. Alors voilà, c'est La Croche-Oreille sur les ondes de CKRL 89.1. Comme à l'habitude, j'en profite pour vous rappeler que vous retrouverez sur le site La Croche-Oreille toutes les émissions produites jusqu'à maintenant pour écoute immédiate ou encore en différé, c'est à votre guise. Ainsi que la liste des pièces entendues ce soir au cours de l'émission. Je vous propose donc que l'on poursuive cette rencontre avec les artistes Géraldine Pie et Roberto Verde, et qui m'ont fait le plaisir de commenter la suite de leur randonnée sonore à vélo, randonnée initiée en 2018 et qu'ils ont poursuivie en 2020 sur les territoires de la France, de la Belgique et de l'Angleterre. Intitulé « Une expérience », le projet est l'histoire d'un périple sonore et littéraire à vélo, motivé par un désir artistique de rencontrer des artistes qui font partie de ce qu'ils appellent leur famille de pensée. Ce deuxième volet a pu compter sur la collaboration de France Culture pour sa diffusion radiophonique, un volet réalisé par Gilles Mardi-Rossian. Alors, Géraldine Py est française, Roberto Verde, il est italien. Ils font les beaux-arts ensemble à Marseille et deviennent compagnons de vie. Ils ont participé à plusieurs expositions personnelles et collectives en Europe, notamment dans les centres d'art La Friche, Belle de Mai, Le Frenois, la Villa Arson, bon, et j'en passe. Leurs performances et leurs vidéos ont été programmées dans de nombreux festivals. Alors voilà, maintenant parole et sono à Py et Verde autour de leur projet intitulé « Une expérience ». Oui, je fais une petite mise à jour, j'étais hyper enthousiaste. Il me reste encore 110 bornes, c'est ça la déception, je croyais que j'avais vachement plus avancé que ça, j'étais lancé. C'est quand même long de faire 150 km en une fois. Et puis je me suis planté à un moment donné, je voulu suivre un petit chemin pour couper une colline. Du coup, je me suis retrouvé dans un truc à marcher dans les ronces. Et puis en fait, il y avait le fossé, je ne pouvais pas traverser. Mais j'ai vu une biche qui s'échappait d'un chasseur sur la crête de la colline, qui se découpait comme une silhouette dans le soleil. Et elle faisait des gros bonds. Et c'était très très beau. Et du coup, je me suis dit que c'était pas grave, que j'ai perdu une demi-heure de temps. Parce que le spectacle, ça valait la peine. Cette expérience artistique à vélo, qui se veut la suite du premier volet intitulé « Les mains vides », il me semble qu'il s'avère ce projet tout de même assez différent du premier, ne serait-ce que par cette blessure à la jambe qui immobilise Géraldine, une immobilité qui force un autre type de rapport, j'imagine, une immobilité qui force la narration. Qu'est-ce que vous en dites? Parce que le premier, il n'avait pas été conçu à la base comme la toute première. À la base, c'était une expérience de vie, en fait. On se disait, on part. C'est une expérience de voyage. Et ça existait d'abord comme une forme d'installation multimédia. Ensuite, c'est devenu une performance de lecture de texte. Et ensuite, on s'est rendu compte qu'on avait envie d'approcher le champ du récit. À l'occurrence du récit radiophonique, aussi pour essayer de donner une forme artistique adaptée à presque Ettore Scola, il nous avait dit, donc qu'il nous avait laissé en partant en nous disant, quand on s'était rencontrés, voilà, que les mains vides, hein, comme le titre du premier chapitre, elles sont belles les mains vides. Et du coup, voilà. Ça nous a resté dans la tête, ça nous reste toujours dans la tête, et on s'est dit que les récits radio, pour ça, c'était une forme adaptée. Et donc maintenant, on l'a fait, déjà avec cette expérience-là. On savait que ça allait être un projet radio. Donc on avait une oreille déjà préparée, une expérience déjà... On anticipait un peu, en fait. Moi, personnellement, je pensais ce qui pouvait être intéressant d'un point de vue sonore et au sein de l'échange. Et on avait déjà... On savourait déjà ces mélanges indiscernables, on dit, de réalité et de fiction, dans lesquelles on ne sait pas. Pour moi, si ça marchait bien, c'est parce qu'on n'arrivait plus à distinguer les faits de la réalité. Qui est-ce qui est en train de pédaler? Qui est-ce qui est en train d'écouter les cerfs? Qui est-ce qui est vraiment s'est cassé le pied? Est-ce qu'ils les ont vraiment rencontrés? Est-ce qu'ils ont vraiment fait le voyage? Est-ce que tout passe, tout cela n'est pas juste une grosse fiction? D'autant plus qu'en fait, on se retrouve à finaliser ce projet pendant cette espèce de situation étrange qu'on est en train tous de vivre liée au confinement. Donc, pour moi, c'est parfaitement adapté, en fait. Donc, mm-hmm. Et ça, c'est un peu les hasards aussi qui fait les choses, évidemment. Parce qu'effectivement, si Géraldine, elle aurait été parfaitement capable de partir avec moi, le projet n'aurait pas existé de la sorte. Ça aurait été tout autre chose. Mm-hmm. Peut-être mieux, mais on ne pourra pas le savoir. Voilà, je sors du spectacle rétrospectif de Jérôme Bell. Alors, il s'agissait en fait d'une succession de ces spectacles filmés. C'était vraiment drôle parce qu'il y avait les différents spectacles qui étaient donc transmis. Et donc il y avait les rires des spectateurs à l'époque qui étaient là doublés des rires des gens de la salle dont je faisais partie. Donc j'ai redécouvert avec plaisir le portrait par exemple de Véronique Doineau, danseuse de l'Opéra de Paris. Et là j'ai sélectionné un moment où elle chantonne et danse le personnage de Gisèle qu'elle aurait rêvé danser pendant sa carrière. Rejoindre par un cycliste autochtone de 14 ans, tout pimpant, qui venait de fermer la porte de sa maison sur la route. Et il me rejoint et me serre la main et il me dit qu'il allait à Montreuil. Et du coup, je dis: Ah, tu vas à Montreuil à Paris? Il me fait: Non, Montreuil au Lyon. Et en fait, c'était juste à peine 50 mètres plus loin, il y avait le virage et nous sommes séparés. C'est dommage, j'aurais bien aimé qu'il m'amène jusqu'à Paris. Le vent, c'est très très violent. Voilà, là je suis dans un parc, je suis déjà à Paris. Donc j'attends ton arrivée, tu dois plus être très très loin. J'espère que tu n'auras pas beaucoup de trafic. Parce que là je sens que j'entends le bruit des voitures qui s'aggrave. Voilà, je regarde les enfants jouer et je lis un bouquin sur l'art conceptuel pour discuter, évoquer un peu quelques trucs demain avec Jérôme Bell. Quand on va aller le rencontrer chez lui. Bonne route, à tout à l'heure. Je suis dans le trafic à Paris, j'arrive bientôt. C'est vraiment pas le bon moment pour entrer en ville. Je pensais pas qu'un dimanche soir il y aurait eu autant de monde. Ah, je passe à côté de la Radio France. Jérôme nous accueille dans sa cuisine. Mur et sol orange vif, petite table qui fait office de bureau, on prend le thé. On parle de Marcel Duchamp et Richard Hamilton. Il y a un bouquin de Beckett qui traîne sur la table, et Beckett jusque dans la cuisine, ça n'est jamais vraiment un hasard. Ah, on est passé là, ça y est, il est là, le parc. Non, c'est... Ouais. Après, on a parlé de Duchamp, on a parlé des Pina, on a parlé des... Du bouquin, donc, de Richard Hamilton. Et on a parlé des... Pina, il a parlé de Picasso, vite fait, mais pas beaucoup, heureusement. Ouais. Chaque spectacle pourrait être une seule idée. Il n'y a pas de décor, parfois même pas de musique. Une fois même, il n'y avait pas d'acteur. Le vide, presque. Il y a un ou deux trucs qui sont... Il y a eu un truc avec l'identification. Ouais, ouais. Histoire du visage. Mais il demeure tout de même, dans ce volet 2, des éléments qui concordent avec le projet initial des mains vides. Entre autres, les rencontres, les incertitudes. Oui, on avait en tête cette structure à la base, celle de la carte postale sonore, mais qui était à envoyer finalement à l'auditrice, quoi. Mmh. Mais pas l'un à l'autre. Et oui. Oui, c'est ça. Ce qui en revanche est tout à fait similaire au premier et qui nous plaît là dans sa forme, c'est le principe des ellipses par rapport aux rencontres. Donc il y a effectivement toute cette intention, enfin le voyage est celui-là, celui de partir à la rencontre des artistes qu'on admire, mais finalement cette rencontre là on ne l'entend pas. On entend tout l'avant, tout l'après, mais il y a cette ellipse narrative et c'est encore plus évident dans ce chapitre 2 que dans le premier, parce que dans ce chapitre 2 on suit vraiment on a l'itinéraire, on est le micro est très près du vélo, le micro est très près de l'aventure des kilomètres parcourus pour atteindre ce rendez-vous. Là en l'occurrence en vélo, mais aussi pour ma part en bus, le pied dans le plâtre par exemple, et effectivement on arrive jusque notamment là en Angleterre, on arrive jusque devant le pub, on entend l'ambiance du pub et hop, et on est tout de suite après, c'est le récit, c'est le débrief, c'est le... Donc oui, ça c'est ça reste mystérieux en fait, la rencontre. C'est beau qu'il y a un cœur de mystère dans les moments cruciaux, fatidiques. Comme ça, on laisse aussi la possibilité à... Mais Géraldine, je pense que quand elle parle de Savitskaya, justement, il y a cette hésitation. Est-ce que je veux vraiment rencontrer mon héros? Certains disent qu'il ne faut jamais rencontrer ses héros, par exemple. Moi, je l'ai rencontré et j'en suis pas déçue. Oui, voilà, c'est ça. Donc, on peut pas savoir. C'est oui, peut-être on reste dans une idée romantique. Pourquoi tuer l'idée romantique qu'on a de ces personnes? Mais moi, je sais que j'ai réalisé ça un peu de temps après qu'on avait fait les premiers projets, et je me suis rendu compte qu'en fait, une des rares fois, par exemple, que j'ai vu mon papa pleurer, sincèrement, en fait. Et c'était parce que le chanteur, son chanteur préféré, un des plus grands chanteurs auteurs italiens, sort de Bob Dylan italien, il venait de mourir. Et lui, il avait grandi avec cette musique-là, et il me l'avait passé moi aussi. Je pense que probablement je ne ferais pas des larmes si je n'avais pas écouté ses chansons. Et il était sincèrement déçu de ne pas avoir été les rencontrer, en fait. Il savait qu'il voulait, il voulait sincèrement les rencontrer, juste pour les rencontrer, juste comme un fan, en fait, tout simplement. Et je l'ai vu pleurer, et je me suis rendu compte qu'en fait c'était beau d'aller rencontrer ces héros, en fait. On pourrait être dans un laps de temps, dans un même espace, quoi, pour être sûr qu'on existe, ouais. pour nous rappeler qu'on existe en fait, qu'on est fait de la même matière. Je suis en train d'écouter un long mix de Jeremy Deller et Rory Crixton qu'ils ont réalisé lors d'un festival en juin dernier, Spiritland. Je connaissais pas cet aspect de sa pratique, même si je sais qu'il a travaillé avec beaucoup de musiciens, notamment le projet dans lequel il avait demandé à une fanfare de jouer un répertoire de musique acid house. D'ailleurs, j'ai lu ces jours-ci que qu'il considérait ce projet comme un petit peu charnière, qu'il s'était rendu compte dans les interactions avec le public qu'il avait plus forcément besoin de produire des objets, qu'il pouvait réaliser ce type d'événement, travailler avec des gens, se faire plaisir, et qui se libérait d'une pratique d'artiste au sens traditionnel. Il dit qu'il a été libéré par une fanfare. Ça rejoint des choses que Jérôme Bell a pu nous dire. Dans le ferry, probablement, en mer. Fidèle à votre démarche inspirée du premier volet intitulé Les mains vides, vous êtes parti, Géraldine, Roberto, à la rencontre d'artistes. Il y a un écrivain, un chorégraphe, un artiste visuel, plasticien. Dites-moi, comment s'est fait cette connexion? Vos choix, c'est le fruit du hasard ou bien est-ce qu'il y avait quelque chose de cogité? Et puis, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un fil conducteur ou une attente qui relie ces trois rencontres avec trois créateurs? C'était pas... Il y a toujours du hasard. S'il n'y a pas de hasard pour nous, dans ce qu'on fait, il y a un problème. Donc, ça a des règles. C'est toujours un dialogue à trois, en fait, si on veut. Et donc, sachant ça, ces artistes-là, ils font partie d'une liste. On a quand même eu des réponses, au bon moment. Ce qui a fait que, voilà, on a fait l'itinéraire dans ce sens-là. Évidemment, on pourrait tisser un lien, pas nécessairement un lien d'une manière linéaire, mais voilà, une sorte de plage de fréquences, hein, dans laquelle ils se retrouvent tous ensemble, capables de parler les mêmes langages et de s'entendre les uns les autres. Parce que nous, à la base, c'est ça l'idée naïve qu'on a. Et quoi si on faisait un dîner avec tous ces gens qui se retrouvent magiquement téléportés? Et combien d'entre eux ils se connaissent? Est-ce qu'ils arrivent à comprendre les langages des uns et des autres, même s'ils ne font pas partie, ils n'ont peut-être pas eu la même éducation? Puis, nous, on s'intéresse un peu à différentes formes artistiques, donc au cinéma, comme à la musique, comme aux arts plastiques, mais il y en a, par exemple, qui sont très spécialisés. Donc, Voilà, mais après, spécifiquement par rapport à ce projet-là, le mois d'octobre, on est parti avec je suis parti en tout cas, et on parlait de ça avec Géraldine, avec un peu une sorte d'envie quelque part d'être rassuré par ces rencontres, vis-à-vis éventuellement d'un sentiment frustré peut-être. C'était le mois d'octobre, le mois d'automne, donc on peut l'imaginer aussi comme un mois triste, d'autant plus qu'il y a cet accident qui arrive, qui rajoute de l'inconfort dans l'expérience. Et il y avait un peu cette envie de creuser comment être bien dans ces moments, en fait. Et à la fois, les uns et les autres, on pensait qu'ils avaient des réponses à nous donner. Et Savitskaya, l'écrivain, on a parlé avec lui, il a un très fort sentiment de la nature, par exemple. Oui, il y a beaucoup de... C'est vraiment du végétal dans ses livres et de la terre qui... Et c'est vrai qu'on avait on avait un peu cette urgence de partir de la ville, quoi. De partir de la ville et d'aller se réfugier un peu dans la forêt. Donc Savitskaya, pour ça, c'était assez évident. De prendre les maquis, presque. Ouais. Jérôme Bell, il y a cette dimension-là aussi. C'est quelqu'un qui a vraiment fait des choix dans son rapport entre sa pratique artistique, en tout cas, et puis la situation actuelle environnementale. Donc il a décidé effectivement, de lui et sa compagnie, de ne plus prendre l'avion, de faire voilà, de ne plus imprimer le programme de ses spectacles. Et puis voilà, il travaille très peu avec des décors. Il recycle. Il aimerait que ce soit recyclé, etc. Donc lui aussi répondait à sa manière, à ces questions. À cette urgence, qu'il sent et qui fait la sienne. Donc, et qu'on partage, et que ça nous constitue aussi, et ça nous inspire. Et Jérémy Deller, du coup, c'est drôle parce que le voyage finissait avec lui. Donc lui, quand même, à nouveau, on se retrouve à Londres, dans une très grande ville, très bruyante, très dense. Plein de monde. Avec Jérémy Deller qui lui se demande comment vivre avec toute cette sensibilité-là dans un monde finalement si violent parfois, quoi. Comment rester sain ? On posait clairement la question. Comment rester sain ? Et comment, peut-être même comment être heureux ? C'est un être très très simple dans les bons sens du terme, Jérémy. Il est très pragmatique et ses réponses sont réconfortantes, et en même temps, on part comme si quelque part on n'avait pas eu baigné de sagesse, en fait. C'est une extrême simplicité. Il nous disait qu'il ne savait pas, en fait, si finalement faire l'artiste, ça nous rendait plus heureux ou pas. Mais ça, oui. Il disait ça sûrement. On n'a pas le choix, en fait, quelque part. Donc, et chez lui, effectivement, c'est à la fin, comme dit Géraldine, c'est à Londres, il y a plein de monde. Et ce n'est pas pour rien qu'un des titres d'une de ses monographies, c'est « Joy in People ». On allait vers lui et on lui a dit, c'était pour qu'il nous apprenne à nouveau à avoir confiance dans les humains, en fait. Bonjour. Voilà, mon vélo est dans sa housse de protection. Mon pied aussi est dans sa housse de protection. Et nous dirigeons à grande vitesse vers Londres, où je referai mes premiers coups de pédale, ce qui est super parce que c'est une ville que j'adore rouler. Voilà. À tout à l'heure. Please scan an item. Ainsi s'achève l'accroche-oreille pour ce soir. Grand merci à Géraldine Pi et Roberto Verde de m'avoir accordé cette rencontre et de nous avoir permis l'écoute de ce magnifique projet de création sonore à vélo. Cela dit, vous trouverez la liste des pièces entendues ce soir ainsi que les références sur le site l'accroche-oreille. Vous trouverez ça facilement sur la toile. En ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, dimanche 21h, sur les ondes de CKRL pour une autre aventure sonore. Ici Gaëtan Gosselin qui vous salue. Voilà, je suis bien arrivée à Londres. Je t'attends dans un café en regardant les infos, les actualités. Et ça parle du Brexit. Voilà. Et le quartier, bah, c'est pas trop loin de là où nous a donné rendez-vous Jérémy Deller. Donc c'est parfait. À tout à l'heure. Cette émission est disponible en balado-diffusion.